ma chronique, mon pote. Écoute, nos vies ne sont pas les mêmes. Mes frères mangent comme des porcs mais finissent même pas les maigres. J'ai plus de salive sous le palais, mec. Envoie 2-3 gégores, 1-2-3 gégorge. Chaque jour l'instrumental. J'ai besoin de vider mon sac, les plaies détruisent même mon mental. Alors dis-moi que t'écris-tu. Ose parler de ma vie, putain c'est toute mon écriture. T'as pas compris, j'y mets du cœur plus que t'en donnes même à ta femme. Mais qu'elle connaît bien ta faille, regarde-la dans l'ayeuse. Oublie pas que le vent t'emporte, je connais le prix d'une balayeuse. Et dis-moi pas, je m'en balayette quand toi connard tu m'idolâtres. Ma mère lavait leur sol et seulement pour 400$. Tu pense avoir dollars, sors tout droit d'un container. Cette rage que je contiens vaut plus qu'un con dans tes ténèbres. En gros, je suis colérique, hein. Je suis qu'une petite boule de nerf qui sent bien quand il colle derrière. Mais quand t'es seul, c'est pas terrible. Le rap, c'est qu'une bactérie. Bientôt, j'arrête, c'est toi qui kiffes, poteau, quand tu bactéries. Le rap, c'est pas la vie. Et j'aime quand j'ai du mal à vivre. Eh, c'est vrai, j'ai peur d'aimer car recevoir c'est difficile. On préfère décevoir, on comble plus ses pertes. Ouais, comme on comble un déficit, alors on se met la déficit. OCB, OCB, allez, ce soir je me roule des boîtes et je fume comme un bâtard dans mes poumons, c'est le champ de bataille. L'amour me dit fait ci pendant que la haine me dit fait ça. La mort nous fait des signes, mon dieu, comment modifier ça. J'ai compris l'erreur, ça coûte cher. On est né sans mode d'emploi, c'est peut-être ce qui fera mieux les coups de chaîne. Et vas-y, mon pote, est-ce coûté. C'est ce que je pensais savoir, mais j'ai compris que peur d'aimer, bah, c'est bien la peur de vivre. C'est vrai, je pensais qu'à moi, j'ai peur m'ouvrir aux autres, j'ai peur de mourir aux os. Enfermé dans une cage, ouais, ligoté par vos roseaux. Mais j'ai les clés de la délivrance et puis je trouve ça même délirant. Tant d'années à passer dans ce combat contre soi-même. Fini de se faire du mal si c'est comme ça contre soi, mec. J'ai besoin de vider mon sac, les plaies détruisent même mon mental. Non, je voulais pas me dépêcher, mais je crois qu'il est temps de me zépo. Oublie tous mes péchés, je porterai les tiens sur mes épaules. Promets-moi de plus faire attention. Le rap, c'est pas la vie, et je l'aime quand j'ai du mal à vivre. Big up à mon frère au canaille, hein. Bientôt ça passe la vague. Oublie tous tes soucis, on se fait plus péter par la vague. Regarde, c'est plus pareil, et même le groupe il disparaît. Chaque jour au fil du temps, regarde ce qu'il disparaît. Mon frère, t'as les clés du temple. Comment te dire, je suis fier de toi, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Le sourire de celle que t'aimes, frère, t'éloignera du monstre. Que dire de Reda, mon gros, tu vas devenir papa. T'inquiète, oublie ton sky, on ira boire du jus de papaye. Écoute-moi, j'ai le sourire à l'heure où j'écris ces paroles. Et laisse-toi guider par elle. Prends soin de ta princesse, regarde le rap, c'est plus pareil. On a du mal à prendre plaisir. Mon frère, oublie le shit, elle rendra ta vie paisible. Regarde, c'est plus pareil, et même le groupe il disparaît.